Essayons de voyager dans le temps pour revenir en 1967. À cette époque, le microprocesseur n'existe pas encore. Il faudra attendre 1971 pour qu'Intel lance sa première puce, la 4004. En 1967, Internet n'existe pas non plus. Le protocole TCP/IP, qui est à la base du réseau mondial, apparaîtra dans les années 1970. Pas plus d'ordinateur personnel, il ne naîtra véritablement qu'en 1975. En 1967, nous en sommes donc au balbutiement de l'informatique que l'Académie française vient tout juste de définir l'année précédente. C'est également en 1966 que le général de Gaulle lance le fameux plan calcul. Il s'agit de réagir à la prise de contrôle du fleuron de l'informatique française de l'époque, l'entreprise Bull, par l'américain General Electric, et également à la domination d'IBM. C'est dans ce contexte qu'est créé l'Institut de recherche en informatique et automatique, l'IRIA, qui deviendra un institut national en 1979, sous le nom de l'INRIA. Cette année, l'INRIA fête donc ses 50 ans d'existence et nous profitons de cet anniversaire pour explorer le parcours de cet institut à travers l'essentiel de l'histoire de l'informatique en France. 50e anniversaire de l'INRIA, l'innovation en histoire, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique pour aborder cet événement, donc l'anniversaire de l'INRIA. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de mathématiques, vous avez été professeur à l'École normale supérieure de Cachan, directeur du département des sciences et technologies de l'information et de la communication du CNRS, et vous êtes aujourd'hui le PDG de l'INRIA, que vous avez rejoint en 2006, et vous êtes PDG depuis 2014. Pascal Griset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université et directeur de l'Institut des sciences de la communication. En 2007, vous avez publié avec Alain Beltran un ouvrage intitulé « Histoire d'un pionnier de l'informatique, 40 ans de recherche à l'INRIA » justement, chez EDP Sciences. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour de la semaine en direct sur France Culture et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors, peut-être Antoine Petit, commençons par cet historique de l'INRIA, 50 ans, une histoire qui a traversé toute celle de l'informatique. Peut-être, et comment le définiriez-vous aujourd'hui, cet institut ? Alors, INRIA, d'abord, on est spécialisé en informatique et en mathématiques appliquées. Et on a la particularité de dépendre à la fois du ministère en charge de la recherche, mais aussi du ministère en charge de l'industrie. Et de manière générale, depuis 50 ans, l'activité d'INRIA se traduit par un slogan qui est « excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Et donc dans ce slogan démontre bien que l'excellence scientifique est à la base de tout. Aujourd'hui, INRIA, sans fausse modestie, est un des meilleurs instituts au monde dans son domaine. Plus de la moitié des chercheurs issus d'INRIA sont étrangers, ce qui montre bien l'attractivité de cet institut. Nous avons dans nos équipes projet près de 100 nationalités. Et donc cette excellence scientifique, on ne l'oppose pas au transfert ni industriel ni vers la société, comme ça a parfois été le cas, par exemple au moment de la création d'INRIA, mais au contraire, on la met au service à la fois de la création de start-up, de partenariats avec les grands groupes, et puis aussi de la société en général, puisque le monde devient numérique, et il y a de plus en plus de questions qui se posent pour l'acceptabilité des algorithmes, par exemple, la présence de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, et nous apportons aussi notre expertise sur ces questions-là. Pascal Griset, peut-être un mot sur cet institut vu par un historien, puisque vous avez, lors des 40 ans de l'INRIA, publié ce livre « Histoire d'un pionnier de l'informatique ». Oui, nous avons écrit ce livre en effet avec Alain Beltran, et puis par la suite, dans une bonne relation entre la Sorbonne et l'INRIA, des thèses ont été menées sur l'histoire de l'informatique. Donc ce livre a été, je dirais, le début d'une historiographie beaucoup plus riche sur le sujet. Donc je pense que vous avez bien placé l'année 1967. C'est une année où beaucoup de choses n'existent pas encore, celles que vous avez citées, mais où existe par exemple IBM 360, qui a été mis sur le marché quelques années auparavant, et qui marque les débuts d'une informatique qui commence à se diffuser dans les entreprises, je dirais banales. Ce n'est plus limité aux très grandes entreprises, aux laboratoires de recherche avec beaucoup de moyens. Et donc le plan calcul, en effet, correspond à cette époque où il y a une prise de conscience du politique de l'importance de ce nouveau domaine qui est extrêmement difficile à comprendre pour les décideurs. Alors IBM 360, peut-être vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit à l'époque pour qu'on se figure un petit peu ce qu'est un ordinateur en 1967. Alors l'IBM 360 est donc lancé en 1963-1964 et son nom 360 signifie qu'il peut tout faire en quelque sorte à 360 degrés. Et c'est la première fois qu'une société très dominante comme IBM lance une gamme d'ordinateurs compatibles les uns avec les autres, du plus petit au plus grand, et avec des logiciels qui sont, je dirais, prêts à être utilisés. Donc c'est vraiment on retient ce moment-là comme un tournant dans la, je dirais, diffusion de l'informatique, comme un outil pour les professionnels, bien évidemment pas encore pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors on sent déjà quand même l'importance d'IBM, puisque c'est un peu en réaction à cette domination de l'époque déjà, que le gouvernement lance ce plan calcul et crée l'IRIA, qui va devenir l'INRIA. Alors peut-être Antoine Petit, préciser ce que une des caractéristiques particulières de l'INRIA, c'est de ce fonctionnement par projet qui finit par avoir un certain succès, puisqu'en 2003, lors de la création de l'ANR, justement, on parle également de recherche par projet. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, nous avons été pionniers et la création, l'emploi du mot projet dans d'autres acceptions a fait que nous avons d'ailleurs changé notre terminologie. On appelle ça maintenant des équipes projet. Ça correspond peut-être plus à la philosophie générale. Une équipe projet, c'est du bon sens, c'est une équipe qui a un projet. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour élaborer ça. Mais en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça veut bien donner l'air. C'est-à-dire que l'idée, c'est de rassembler des gens qui vont définir ensemble autour de quoi ils souhaitent travailler. Donc ce n'est pas simplement des gens qui ont plus ou moins les mêmes compétences et qui se disent « on se verra de temps en temps ». C'est vraiment des gens qui se disent « voilà, on va s'attaquer » ensemble, en mettant nos forces de façon conjointe à des questions scientifiques, mais qui vont aussi réfléchir dès le début de la création de cette équipe projet à des développements logiciels éventuels, à des actions de transfert vers des grands groupes et vers les start-up. Et donc, ça crée une dynamique qui est très importante. Lorsque nous créons une équipe projet, nous la créons simplement pour 4 ans. Elle ne peut être renouvelée au maximum que 2 fois, ce qui fait donc une durée de vie maximale de 12 ans. En fait, en pratique, ce sont des durées de vie aux alentours de 8 ans, parce qu'en fait, les chercheurs vont non pas changer de sujet, parce qu'un chercheur a quand même un mainstream, si on peut dire, mais ils vont changer d'application. Pour prendre juste un exemple qui probablement parlera à beaucoup, les gens qui font de la mécanique des fluides, c'est-à-dire qui étudient les fluides, il y a une quinzaine d'années, c'est des gens qui étudiaient les écoulements d'air autour des ailes d'avion, et donc qui s'associaient évidemment à des mécaniciens. Aujourd'hui, à partir des mêmes méthodes mathématiques, vous allez étudier les écoulements sanguins, par exemple, dans le corps humain. Donc on voit qu'en fait, à partir de mêmes techniques mathématiques, ou grosso modo de mêmes techniques mathématiques, selon les applications que vous avez en vue, eh bien vous allez vous associer à des gens différents. C'est le principe de l'équipe projet, une notion dynamique de la recherche. Qui est utilisée aussi dans l'automobile, autour d'un modèle, on rassemble les compétences nécessaires. Absolument, ça, le fait de mettre ensemble des compétences, ça s'est maintenant étendu. Et ça casse les structures habituelles de l'institut ou de l'entreprise. Ça veut casser les structures, en particulier c'est très utile pour des recherches pluridisciplinaires. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par l'industrie, par la société, qui demandent des approches croisées de plusieurs disciplines. Effectivement, le fait de pouvoir mettre ensemble des gens, non pas de façon générale, mais mettre des biologistes et des mathématiciens ou des informaticiens qui se posent une question concrète et qui se demandent comment est-ce qu'on va la résoudre, l'équipe projet permet de le faire de façon assez efficace. Pascal Griset, sur cette structure de la recherche qui a un peu bouleversé les choses lorsqu'elle a été instituée. Tout à fait. Bon, je crois qu'il faut rappeler que Jacques-Louis Lyons a été le grand fondateur de ce type d'organisation à l'INRIA. Il a adopté une organisation qui était très à plat, c'est-à-dire pas un organigramme avec différents niveaux de hiérarchie, mais quelque chose de très plat et avec en effet des équipes projets qui se sont développées depuis les années 70, surtout les années 80. Cela est une construction historique. En effet, au tout début de l'IRIA, ces conceptions n'étaient absolument pas audibles dans la communauté scientifique. Et ce qu'a souligné à plusieurs reprises, fort justement Antoine Petit, c'est ce rapport entre ce que l'on croit appeler la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et l'IRIA, puis l'INRIA, c'est se démarquer de cette polarité, de dire non, ce sont des dynamiques, des synergies entre ces deux domaines qui nous permettent de travailler. Jacques-Louis Lyon s'appelait appeler ça les bons problèmes qui viennent de l'industrie, qui vont lui permettre de faire avancer la science et qui, par symétrie, ensuite feront avancer l'industrie. Et cela se met en place vraiment à cette époque. La méthode scientifique, Michel Alberganti. Notre émission est aujourd'hui consacrée au 50e anniversaire de l'INRIA avec nos deux invités, Antoine Petit, PDG de l'INRIA, et Pascal Griset, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Alors on arrive maintenant peut-être au portrait de l'INRIA aujourd'hui. Aujourd'hui, vous employez combien de chercheurs à l'INRIA ? Alors INRIA, le nombre de chercheurs à l'INRIA, c'est 1600 chercheurs, mais il faut ajouter à ces 1600 chercheurs à peu près autant d'enseignants-chercheurs et de chercheurs CNRS qui travaillent avec nous dans ces équipes-projets. Tu parles de 2400 agents, c'est ça ? À peu près, 2400 agents en tout. Mais si je reviens aux 1600 chercheurs d'INRIA, il y a donc la spécificité que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission sur le fait que la moitié ne sont pas français, ce qui donne une ouverture internationale tout à fait extraordinaire. Et une autre spécificité d'INRIA, qui peut sembler un peu bizarre, c'est qu'un tiers seulement ont un statut de chercheur permanent. Les deux autres tiers, donc, sont des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs. Et pourquoi est-ce que c'est possible sans créer de la précarité ? Parce que les sujets sur lesquels nos chercheurs travaillent sont les sujets dont on parle partout, c'est-à-dire le big data, la cybersécurité, les internets des objets, etc. Et donc, c'est des gens qui n'ont aucun problème d'employabilité à la sortie de l'Institut. Au contraire, c'est un enrichissement professionnel tout à fait exceptionnel qui leur permet d'aller un peu n'importe où. Et c'est là encore un vrai élément de dynamisme parce que chaque année, on recrute plusieurs centaines de chercheurs. Et donc, évidemment, c'est des idées nouvelles qui arrivent et c'est extrêmement bénéfique pour la vie scientifique de l'Institut. Alors, pour illustrer ce que vous disiez sur les équipes projets, on peut mentionner le fait qu'il y en a 183 qui sont aujourd'hui encore actives. Il y en a à peu près 180, effectivement, entre 180 et 200 ans, ça fluctue un peu. Et comme le rappelait Pascal Griset, on a, bien qu'INRIA ait beaucoup grossi depuis sa création, depuis le travail pionnier de Jacques Lunions, on a gardé cette organisation assez à plat. Parce que grosso modo, entre le PDG que je suis et un responsable d'équipe projet, il y a juste un niveau. On est organisé en 8 centres géographiques. Et donc, on a une proximité, effectivement, qui est extrêmement bénéfique. Et je ne dis pas que je sais ce que fait chaque chercheur d'INRIA, ça serait excessif, mais toute création d'équipe projet est une décision du PDG. Et ça nous permet d'avoir une vision assez bonne de ce qu'on fait, d'essayer de, non pas de freiner la concurrence, parce que la concurrence peut être saine en recherche, mais en tout cas que cette concurrence soit clairement identifiée. Et quand on crée une équipe projet, on se pose tout de suite la question de savoir quelle place elle souhaite avoir au niveau international. Notre terrain de jeu, c'est le monde, c'est pas la France, c'est même pas l'Europe. Et donc la vraie question, c'est est-ce que les équipes que nous allons créer peuvent être performantes sur la scène internationale ? Pascal Griset, donc ces 50 ans de l'INRIA, c'est un formidable progrès de l'informatique. Quelles seraient les grandes étapes qu'on peut citer sur ce parcours ? Alors, sur ce parcours, les modifications principales sont liées d'abord aux composants. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'avènement du microprocesseur qui va amener la possibilité de fabriquer des PC, des ordinateurs personnels, et tout cela en connexion avec l'évolution des réseaux. Je crois qu'on peut plus comprendre l'informatique à partir des années 70 sans joindre les ordinateurs, les réseaux et puis bien sûr les logiciels. Tout cela dans un ensemble qui avance par grandes étapes. Avec un tournant essentiel, c'est au début des années 1990, l'invention du web au CERN des ingénieurs qui travaillaient sur les problèmes liés à la diffusion de l'information au sein du CERN et qui ont inventé ce que nous connaissons tous aujourd'hui, le web. Et donc ces dynamiques entre l'ordinateur, les logiciels et les réseaux font que l'évolution de l'informatique paraît extrêmement rapide, paraît extrêmement complexe à suivre et a été marquée par des évolutions très fortes. À nouveau, à partir des années 2000, avec la mobilité. La mobilité est le nouvel input moteur de ces éléments autour du téléphone, du smartphone, qui symbolise ce qu'on appelle la convergence entre le monde des médias, le monde des télécoms, le monde de l'informatique et autour de la mobilité et du GPS. Donc là, on a vraiment en 50 ans un ensemble d'éléments qui nous amène à la société que nous connaissons aujourd'hui. Antoine Petit. Peut-être deux anecdotes. D'abord, le web, effectivement, est géré aujourd'hui par un consortium qui s'appelle le W3C, le World Wide Web, dont INRIA était un des membres fondateurs. Et aujourd'hui, INRIA est encore majeur dans le haut européen. Et puis, juste une anecdote, c'est sur, puisqu'on parle des smartphones, si vous allez sur la toile et que vous tapez Jean-Marie Hulot, vous verrez que c'est un Français qui a fait sa thèse chez INRIA, qui était chercheur chez INRIA, et qui ensuite est parti chez Apple, et c'est le père de l'iPhone. C'est quelque chose qu'on ne sait pas nécessairement, et donc en fait, tous les gens qui ont un iPhone ils peuvent se dire qu'ils ont un peu d'INRIA dans la poche. Alors à l'époque de ces mutations, il y a d'autres projets qui ont été associés à l'INRIA, par exemple Cyclades, des tentatives de créer ce réseau qui finalement va naître plutôt aux États-Unis avec le fameux ARPANET et ses successeurs, et puis aussi donc à Genève avec le CERN et le web. Et quel rôle a joué l'INRIA à cette époque-là? Alors INRIA effectivement a joué un rôle tout à fait majeur dans le projet Cyclades, comme vous l'avez dit. Et puis après, j'ai envie de dire, malheureusement, la France et l'Europe n'ont pas su garder cette avancée technologique, de même qu'ils n'ont pas su garder l'avancée technologique qu'ils avaient eue avec le Minitel. On a laissé le leadership à d'autres. Néanmoins, les technologies qui sont utilisées, c'est un peu rassurant peut-être, les technologies qui sont utilisées aujourd'hui sur le web, en fait, ont pour ancêtre, pour beaucoup, des recherches qui ont été conduites chez INRIA. Et par exemple, il y a quelques années, la reine d'Angleterre a décerné une espèce de prix Nobel de l'ingénierie qui a été décerné à 5 personnes, dont un Français, Louis Pouzin, qui était chercheur chez INRIA et qui est considéré avec d'autres comme un des 5 pères, si on peut dire, du web d'une certaine façon. Pascal Griset, ça s'est quand même développé un peu ailleurs. Alors, il faut voir, l'Europe était tenue à cette époque par des monopoles des télécommunications. Comme l'ont montré les travaux de Valérie Schaffer, il y a eu deux communautés qui se sont affrontées, les télécommunicants et les informaticiens, pour contrôler l'évolution des réseaux. Et aux États-Unis, dans un contexte où le monopole de AT&T a été remis en cause, où il y avait des acteurs extrêmement divers, c'est la norme Internet qui l'a emporté, alors qu'en Europe, les opérateurs de télécommunications s'étaient entendus sur une autre norme. Donc ce n'est pas seulement en termes d'avancée technique ou de retard technique, c'est des choix économiques, voire géopolitiques. Et là, en l'occurrence, les États-Unis, par leur puissance commerciale, par leur puissance économique, ont imposé leurs normes. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse, je dirais, le domaine de l'informatique ou des télécommunications. Antoine Petit, c'est aussi la preuve qu'à l'époque, les barrières qu'il pouvait y avoir entre différents domaines que vient de citer Pascal Griset, c'est-à-dire l'informatique et les télécoms, ont eu des conséquences assez néfastes, au fond. Oui, il faut savoir que l'histoire de l'informatique française est un combat, j'ai envie de dire, permanent. Vous savez que la hiérarchie d'Auguste Comte a encore la vie dure ou la peau dure. Et que pendant très longtemps, on disait comment l'informatique, mais est-ce que c'est une science? Est-ce qu'il y a encore vraiment est-ce qu'il y a vraiment de la recherche en informatique? Et lorsqu'on déclinait ce que veut dire INRIA, Institut National de Recherche en Informatique, il y a de la recherche en informatique et en automatique. Là, les gens ne savaient même pas ce que c'est normal. Et donc, on s'était pas facilité la tâche. C'est clair qu'aujourd'hui, l'informatique commence à être connue comme une science, alors qu'elle en est une au niveau international. C'est une science qui collabore beaucoup avec les mathématiques, mais aussi avec d'autres sciences. Et que un des rôles d'INRIA a vraiment été aussi de faire en sorte que de plus en plus de gens comprennent les fondements, disons, scientifiques de l'informatique. Mais j'ai envie de dire que c'est pas encore un combat qui est gagné. Le fait, par exemple, qu'un lycéen puisse rentrer à l'université sans avoir eu un cours d'informatique, sans avoir eu des notions de pensée algorithmique, c'est quand même une hérésie au XXIe siècle. Et ça, c'est un vieux combat, même sur le codage. Est-ce qu'il faut l'apprendre pendant le cursus scolaire ou pas? Et quand vous parlez d'algorithme, c'est aussi une décision importante à prendre, savoir quand l'enseigner. Bien sûr, moi je pense qu'il faut, comme tout, l'enseigner dès le plus jeune âge, non pas pour former des spécialistes, mais parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde numérique, et que d'une certaine façon, l'éducation aujourd'hui ne donne pas les clés minimales à chacune et chacun pour comprendre le monde dans lequel elle ou il vit. C'est encore une fois, je l'ai dit, c'est une hérésie. À un moment, il faudra que cet enseignement d'informatique, on comprenne qu'il faut qu'il soit dispensé à tous. Et encore une fois, non pas pour faire des spécialistes, mais simplement pour permettre aux gens de comprendre ce que veut dire un réseau, ce que veut dire le droit à l'oubli, ce que veut dire un algorithme. Toutes ces notions qui sont utilisées quotidiennement sans qu'on ait les bases. Et en particulier, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nos décideurs, de manière générale, même s'il y a quelques exceptions, ont une culture extrêmement faible, pour ne pas dire une inculture, qui pose des vrais problèmes à la France. Alors, pour avoir une idée de la perspective du travail de l'INRIA aujourd'hui, nous sommes projetés dans le futur. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Michel, bonjour à tous. Début novembre était organisé à Paris un événement scientifique pour célébrer ce cinquantenaire dont nous parlons aujourd'hui, et vous vous êtes rendu sur place. Tout à fait. Et à cette occasion, donc, de nombreuses démonstrations de travaux de recherche étaient présentées. Et j'y ai notamment rencontré Jean-Daniel Fekete, qui est responsable de l'équipe de recherche AVIS, ainsi que son collègue Pierre Dragicevic. AVIS développe des interfaces interactives permettant la visualisation de données complexes. Et sur place, ils m'ont présenté l'un de leurs projets, les Zoïdes. Derrière ce nom étrange se dissimulent en réalité de petits robots qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les interfaces homme-machine. Donc les Zoïdes sont un système qui permet à des utilisateurs d'interagir avec l'information, donc avec le monde virtuel numérique, de manière physique. Donc un Zoïde est un petit robot de la taille d'une pièce de 2 euros qu'on peut manipuler soi-même sur une table, mais qui est capable de se déplacer de lui-même aussi. Donc les Zoïdes sont faits pour travailler en groupe. Donc imaginez une table où vous avez une dizaine, voire même une centaine de petits robots de la taille d'une pièce de 2 euros et vous aurez une bonne idée de ce que sont les Zoïdes. D'où est venue l'idée au départ ? L'idée est venue dans la suite d'un autre projet sur la visualisation physique. Donc la visualisation physique, c'est l'idée, au lieu de visualiser sur un écran uniquement des données abstraites, on crée des objets en trois dimensions, en deux dimensions qui sont physiques. On a identifié beaucoup d'avantages, mais ces objets physiques, quand on les fabrique, ils sont statiques, ils ne bougent pas. Et donc l'idée du projet de Zoïde, c'était d'avoir des visualisations qui soient physiques, donc qu'on puisse toucher, qu'on puisse montrer, mais qui soient dynamiques, qui puissent bouger. Ça s'est avéré être une idée très très compliquée, très difficile à réaliser. Même les roboticiens n'ont pas réussi ou n'ont pas peut-être essayé de construire des robots aussi petits qui se déplacent aussi vite. C'est vraiment la première fois que les gens voyaient ce type de système, parce qu'on a beaucoup vu des robots en essaim, des interfaces tangibles, mais si vous avez l'occasion de regarder une vidéo sur Internet, vous verrez que c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez étonnant. Quelles sont les principales difficultés sur cette robotique ? Finalement, la difficulté, c'est plein de petits détails. L'autonomie, là, les robots ont entre une heure et demie d'autonomie. Si on met des moteurs plus puissants, ils ont 5 minutes d'autonomie, c'est pas intéressant. Si on met des moteurs moins puissants, ils avancent pas. Donc, il a fallu trouver tous les compromis nécessaires. À côté de ça, les gens qui travaillent en robotique sur les essaims essayent de mettre de l'intelligence dans chacun des robots pour essayer de les rendre autonomes. Et notre choix a été radical. Les robots ne sont absolument pas autonomes et absolument pas intelligents. Ils communiquent avec une machine centrale et c'est la machine centrale qui leur donne des ordres. Il y avait aussi deux critères importants dans la réalisation de ce système. Un, on voulait que les robots soient assez petits. Donc il y a pas mal de systèmes en robotique qui marchent très bien, mais les robots sont trop gros pour être manipulés. On voulait qu'ils soient petits et légers. Donc il y a un problème de miniaturisation déjà. On voulait aussi que les robots soient rapides. Donc ça, c'était important parce que quand on interagit avec une interface, on veut que les choses soient rapides. Finalement, on a voulu vraiment axer les choses sur la rapidité plutôt que sur la précision. Si on regarde comment les Zoïdes se déplacent, ils prennent pas une ligne droite. Ils sont assez désordonnés et finalement, ça leur donne cette apparence animale et on a l'impression qu'ils sont vivants. Et ça, c'était vraiment, je dirais pas une surprise, mais c'était inattendu, oui. C'est ce qui fait aussi son succès. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ils sont constitués ? Donc là, je montre un éclaté de Zoïde. Il a une coque qui est fabriquée par une imprimante 3D. Et ensuite, il y a des circuits ronds qui sont très, très denses. Et il y a une petite LED colorée qui permet à chaque Zoïde de pouvoir être identifié si on en a envie. Dans l'application qu'on voit, les Zoïdes ont deux couleurs différentes. C'est un programme où les deux Zoïdes blancs peuvent être utilisés pour contrôler la ligne. On peut les déplacer. Et quand on déplace les deux Zoïdes blancs extrémités, des Zoïdes bleus se placent au milieu, alignés. Et si la ligne est longue, plein de Zoïdes arrivent pour remplir la ligne. Et si la ligne est plus courte, plein de Zoïdes s'en vont Combien arrivez-vous à faire communiquer ensemble de zoïdes ? Concrètement, on pourrait probablement contrôler jusqu'à une centaine de zoïdes. On aurait des zoïdes sur toute la table, ce serait rempli, donc ça n'a aucun intérêt. Et on n'a pas vraiment de contrainte en termes de nombre de zoïdes contrôlables. La contrainte, c'est plus de les fabriquer, parce que fabriquer un zoïde, ça prend pas mal de temps, parce que c'est encore artisanal. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme autre application de ces mouvements de zoïdes ? On peut les utiliser pour faire de la visualisation de signal, pour visualiser par exemple des données démographiques. Donc dans l'application qu'on voit, chaque zoïde représente un pays. Quand on fait de l'enseignement, un enseignant peut prendre un zoïde et dire « voilà, ça c'est le Brésil, à votre avis, quel est le taux de natalité du Brésil ?» Les élèves peuvent répondre en faisant une tentative et ensuite il peut le lâcher sur la surface et le zoïde va se placer au bon endroit, leur donnant la réponse, mais de façon beaucoup plus physique et tangible que si on le faisait à l'écran ou sur une présentation interactive. On peut avoir des zoïdes qui cohabitent avec notre environnement de travail. Donc là, on a juste une surface, c'est le bureau, mais on utilise les zoïdes pour interagir avec la machine. On peut les utiliser comme des boutons ou les déplacer pour régler un volume ou pour régler une lumière. Mieux encore, le zoïde peut aussi montrer à l'humain qu'il doit répondre au téléphone en poussant un téléphone. On est maintenant dans une interface qui est à mi-chemin entre le monde virtuel et le monde réel. Il peut servir à l'humain pour interagir avec le monde virtuel et il peut servir au monde virtuel pour interagir avec le monde physique. Et ça, c'est totalement nouveau, ça n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Ça s'intéresse surtout à explorer des nouveaux médias et des nouveaux principes. Et on espère que les usages vont se révéler par eux-mêmes. Alors, on a identifié 3 ou 4 possibles familles possibles d'applications. Une, c'est les applications pédagogiques, dont Jean-Daniel a déjà parlé. Deuxième famille d'applications, ça serait dans le domaine ludique, donc les jeux, notamment les jeux de plateau. Troisième type d'application, donc pour les utilisateurs malvoyants ou non-voyants, ça peut être aussi un médium très intéressant dans la mesure, encore une fois, où c'est physique et donc c'est tactile, même si c'est pas aussi efficace qu'en écran, on peut les manipuler et on a ce retour haptique. Grâce à ce type de système, peut-être pas nécessairement celui-là, mais la version 2 ou 3, on donnera accès à des non-voyants, à des applications qui sont vraiment extrêmement puissantes et riches et auxquelles ils ne pouvaient pas accéder auparavant, et notamment l'exploration de données. L'un des avantages majeurs du tactile qui complémente le visuel et qui parfois peut le remplacer aussi pour les utilisateurs non-voyants. Et voilà. Et pour celles et ceux dont la curiosité a été attisée, on va vous mettre une vidéo sur le site de l'émission sur franceculture.fr ainsi que sur Twitter. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemblent ces petits zoïdes. Merci Mathieu Lefrançois. Effectivement, cela donne envie de visualiser ces petits objets mobiles. Peut-être une réaction d'Antoine Petit à ce reportage avant celle de Pascal Grisé. Je pense que ce reportage illustre parfaitement le fait que les recherches d'INRIA peuvent avoir des applications absolument extraordinaires et inattendues. Et qui, pour ça, il faut croiser d'une certaine façon une technologie avec un usage. Et souvent, c'est par le biais de la création d'une start-up qu'on voit ça. Mais il ne faut pas oublier que la création d'une start-up, le plus souvent, s'appuie donc comme sur des technologies qui peuvent être l'aboutissement de dizaines d'années de recherche. Et ces start-up, à partir d'une même technologie, peuvent être dans des domaines qui sont extrêmement différents. Dans le reportage qu'on vient de voir, Jean-Daniel Fayquette explique plusieurs utilisations possibles. Peut-être qu'un jour, demain, après-demain, une start-up sera créée parce que quelqu'un se dira « voilà, là, il y a un vrai produit possible ». Et donc, c'est un concept assez générique chez nous, c'est que finalement, à partir d'une même technologie, on peut imaginer des applications dans des domaines très différents. Et il faut trouver la conjonction entre, encore une fois, une technologie, un produit et évidemment des clients. Pascal Grisé. Mais je crois que ce reportage témoigne de la capacité de l'INRIA à communiquer aussi. Il faut se rappeler que quand l'INRIA est créée, personne ne sait ce qu'est l'informatique. Pour la plupart des quelques rares hommes politiques qui s'intéressent au domaine, l'informatique, c'est un ordinateur. Donc, l'IRIA devait faire des recherches pour que la C2I, le champion national de l'époque, fabrique des ordinateurs. Puis, très vite, pour diverses raisons, les recherches se sont concentrées sur des logiciels, parfois sur des langages informatiques. Et pour faire comprendre cela à des hommes politiques et leur dire « votre investissement », puisque bon, l'INRIA est une structure publique, il fallait leur faire comprendre que ça sert à quelque chose malgré tout. Et on voit dès l'origine de l'IRIA, puis dans l'INRIA, la capacité à mettre en avant certains projets qui vont rendre visible la science à travers, par exemple, il y a eu des projets de robots dès les années 70. Il y a eu le véhicule autonome aussi qui s'est développé. Tous ces efforts pour dire, regardez, nous faisons de la science, vous ne la voyez pas, mais on va vous la rendre visible à travers des choses qui peuvent être parfois amusantes et parfois extrêmement utiles. Alors on voit que à ce stade-là, les zoïdes sont émanent d'une équipe de recherche Avise. Et donc, comme vous l'avez dit, Antoine Petit, il n'y a pas encore de création d'entreprise. Mais l'INRIA en a facilité la création d'énormément de start-up, comme on les appelle, et qui sont issus de cette structure. Absolument. Là, on en est aujourd'hui à plus de 150 start-up. En fait, c'est des start-up que la plupart des gens connaissent, mais sans le savoir, si je peux dire. Je vais vous donner quelques exemples. Tout le monde connaît Game of Thrones. Tout le monde ne regarde pas Game of Thrones, mais à peu près tout le monde connaît Presque Game of Thrones. Presque tout le monde connaît Game of Thrones. Ce que les gens ne savent probablement pas, c'est que dans Game of Thrones, il y a des images de synthèse. Il y a quelques acteurs au premier plan et derrière, ce sont des foules de synthèse. Et bien en fait, ces foules sont faites par une start-up qui s'appelle Golaem, qui est issue des travaux d'INRIA. Et comme toujours, les travaux d'INRIA sont issus en partenariat, je l'ai déjà dit, avec les universités, les écoles, d'autres organismes de recherche, au premier rang desquels le CNRS. Mais en tout cas, Golaem, c'est une équipe rennaise, c'est issu d'une équipe rennaise. Et autre exemple... Donc on ne verra plus les foules d'Otrakis de la même façon. Exactement. Maintenant, à chaque fois que vous regardez Game of Thrones et vous penserez à INRIA, à chaque fois que vous allez regarder le Tour de France cycliste, vous penserez à INRIA. Et si vous regardez bien le Tour de France... Vous verrez que sous la selle des coureurs, il y a un petit capteur maintenant. Et bien, ce capteur a été mis là par une société qui s'appelle ICOB, qui est aussi une société issue d'INRIA. Vous voyez, le sport, le spectacle, beaucoup de start-up dans le domaine de la santé, en particulier dans un domaine qui, personnellement, me fascine beaucoup, qui sont les interfaces entre le cerveau et la machine, des brain-computer interface, comme on dit en anglais. Et donc, on a une start-up qui s'appelle Mencia Technologies, qui est déjà maintenant une société qui a tout à fait pignon sur rue, et qui développe, à partir de ces brain-computer interfaces, une technologie qui permet de soigner les enfants hyperactifs. Et c'est aujourd'hui en phase 3 au niveau de la sécurité sociale. Une autre start-up, juste pour illustrer les exemples, qui vous permet, à Paris, dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Paris, la ville de San Francisco, de mesurer la pollution sonore dont vous êtes la victime, entre guillemets. L'intérêt, c'est d'une part que vous, personnellement, pouvez dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai une pollution sonore qui était probablement supérieure à la moyenne. » Mais surtout, les données sont collectées par la ville de Paris qui peut détecter éventuellement une anomalie. Si vous savez qu'il y a un chantier, c'est normal qu'il y ait la pollution sonore. Puis peut-être, à un moment, ils se rendent compte qu'à une période de la journée, il y a une pollution sonore qui est excessive. Là encore, c'est des technologies issues d'INRIA. Là, c'est en temps réel ou ça se passe comment ? En temps réel. Donc après, il y a des boîtes qui ont été créées depuis INRIA qui sont passées du statut de start-up à vraie boîte. Par exemple, quand vous prenez l'avion, vous savez que dans un avion, le pilote ne sert plus à rien. On dit parfois que dans un cockpit d'avion, il faut mettre un chien à pilote. Un homme pour nourrir le chien et un chien pour empêcher l'homme de toucher à quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un logiciel qui conduit l'avion et ce logiciel y a beaucoup d'éléments de vérification qui ont dû mettre en place avant de mettre ce logiciel. Et une des sociétés qui était la plus réputée, c'est Esterel Technologies, qui là encore est issue d'INRIA. Vous voyez que les exemples sont extrêmement nombreux et touchent à peu près tous les domaines d'activité. Pascal Grisé, c'est ce mécanisme finalement d'équipe projet qui peut engendrer la création d'une start-up, qui fait toute la richesse du fonctionnement de l'INRIA. Quel rôle pour vous cela joue-t-il dans le développement d'une technologie en France, par exemple? Alors, c'est vrai que ce principe de créer de nouvelles entreprises à partir de la recherche se développe vraiment à partir des années 1980 à l'INRIA, avec deux questions qui se posent. La première, c'est la capacité pour un pays comme la France à conserver ses réussites. Et on constate historiquement que les grandes réussites d'INRIA, lorsqu'elles arrivent à un niveau d'activité intermédiaire, au-delà de la start-up, mais pas encore la très grande entreprise, peuvent être rachetées par des géants, et notamment américains. Donc là, l'exemple, c'est Ilog, effectivement, absolument. Créé en 1987 et racheté par IBM en 2009. On se rappelle qu'IBM était le moteur de la création de l'IRIA à l'époque pour éviter sa domination. Et voilà que... Donc, il rachète une start-up de l'INRIA. Voilà. ça peut même être beaucoup plus tôt. Là, un exemple très récent d'une startup qui s'appelle Regend, qui faisait de l'analyse de photos à partir de techniques de deep learning en tenant compte un peu de vos sentiments pour aller très vite. Et au bout de moins de 2 ans d'existence, a été racheté par Apple. Et donc, c'est un vrai sujet que nous avons en France, c'est que c'est bien de créer des startups. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai problème de financement au niveau de la création. Pour l'amorçage, il n'y a pas de problème. On a notre propre fonds, nous, INRIA, d'ultra-amorçage. Par contre, il reste un vrai sujet qui est de faire en sorte que ces startups deviennent up, grossissent. Et là, il y a des vrais problèmes de financement encore. Pascal Grisé, c'est quand même un phénomène dont on parle dans l'informatique, mais qui est quand même français de façon plus générale, où les startups ont du mal à devenir ce qu'on appelle des PME, des grosses PME, c'est-à-dire franchir une étape importante pour leur survie à long terme. Tout à fait, c'est vrai que c'est un phénomène un peu plus général que cela, avec la spécificité malgré tout dans le numérique que les transferts de savoir, les transferts d'expérience se font extrêmement vite. Il n'y a pas besoin d'infrastructures de fabrication très lourdes et donc la captation des savoir-faire et de la science qui a été produite est quelque chose qui peut se passer extrêmement vite avec un environnement mondial où il y a des entreprises extraordinairement concentrées que l'on connaît, hein, ce sont les GAFA, et qui peuvent, Google, en appuyant sur Apple, un bouton, d'avoir une puissance financière qui leur permet de racheter. Et à l'heure actuelle, au niveau de la France, il serait bien difficile d'organiser la résistance, si je puis dire, car les masses financières sont très difficiles à mobiliser. Même une société comme SAP, la grande entreprise allemande. Dans ce domaine, a été fragilisée dans certaines circonstances. Donc, c'est un problème européen, dirais-je. Hein. Et un problème qui, Antoine Petit le rappelait tout à l'heure en soulignant les sujets actuels, notamment la cybersécurité, toutes ces questions-là, il y a des enjeux qui dépassent les simples enjeux économiques, si je puis dire, et l'emploi. Il y a des enjeux de sécurité, de défense. Alors, quand j'ai travaillé sur l'histoire d'INRIA, on avait un accès complet aux archives. On a vraiment été dans un espace ouvert en termes d'information. Mais alors, on n'a jamais tombé sur un dossier concernant le moindre problème militaire. Donc, je ne sais pas comment se passent les choses. Il doit y avoir des interactions, mais ça, c'est bien et fort normalement protégé. Mais on sait que dans le domaine militaire, il y a des liens cruciaux pour la sécurité du pays au-delà de l'Europe. Antoine Petit, sur les secrets militaires, donc je vous cède la parole. Juste un mot, si vous permettez, sur l'Europe, je pense qu'effectivement c'est le bon niveau. Et la difficulté pour les startups à grossir, c'est vrai en France, on l'a dit, mais c'est vrai globalement en Europe, même s'il peut y avoir quelques différences selon les pays. Après, avec les militaires sur l'aspect cybersécurité, c'est vrai qu'on travaille énormément. On a un partenariat avec la DGA, on en a un autre avec l'ANSSI. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté secret à ces recherches. Néanmoins, les investissements, et c'est aussi une remarque qu'on peut faire en termes de comparaison avec, par exemple, les États-Unis, si on voit l'argent qui est mis par les agences militaires américaines dans le domaine de l'informatique, est énormément plus élevé que ce qui se passe encore en France et en Europe. Et là encore, c'est un vrai sujet parce que pour trouver les innovations de demain, les innovations de rupture, il faut investir dans la recherche fondamentale. Et c'est qu'en investissant massivement qu'on aura cette capacité à trouver ce qui sera disruptif demain. Alors vous êtes conduit du coup à passer des accords qui parfois sont avec des centres de recherche étrangers évidemment, mais également avec des entreprises. L'un des premiers accords de ce type qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque, c'est celui avec Microsoft en 2007. Exactement, c'est le premier accord. Ça s'était fait avec un soutien modéré, on peut dire, de nos ministères de l'époque. Ce qui est assez drôle, il y a prescription, on peut le dire, c'est que ce soutien avait été modéré en 2007 et en 2010, quand le patron de Microsoft était venu signer le renouvellement, tous les ministres voulaient être sur la photo. Donc ça prouve bien qu'ils avaient changé d'avis. Aujourd'hui, on travaille et on en est très fiers avec un certain nombre de grands groupes étrangers. Vous avez cité Microsoft, on pourrait citer Facebook, on peut citer Samsung, on peut citer Fujitsu, on peut citer Nokia qui a été français et qui l'a un petit peu moins. C'est extrêmement important pour nous parce que ça montre la qualité de la recherche qui est conduite dans notre pays. des entreprises comme ça travaillent avec les universités du monde entier, si elles viennent pour travailler avec la recherche française, avec INRIA, mais plus généralement avec la recherche française, ça prouve bien la qualité de ce qu'on fait en France. En même temps, la recherche coûte de l'argent, pour une part financée par votre budget de 300 et quelques millions d'euros. Un peu moins. 230 millions d'euros. Ouais. Les résultats dans ces partenariats ne risquent-ils pas de favoriser finalement des gains qui seront faits par ces partenaires? Alors, heureusement, à l'étranger. Heureusement, on travaille avec un certain nombre de grandes boîtes françaises aussi, Airbus, EDF, Total, Safran, Orange, avec lesquelles nous avons des laboratoires communs. Si vous voulez, c'est aussi la rançon de la mondialisation de la recherche. On ne peut pas à la fois vouloir accueillir beaucoup de chercheurs étrangers et en être très fiers, et dire qu'il n'y a pas une partie de la collaboration qui se fait avec des boîtes étrangères. Ça, je pense que c'est inéluctable. C'est un problème d'équilibre. Il faut évidemment qu'il y ait suffisamment de recherche qui se fasse en partenariat, de façon à ce que les emplois et la valeur soient aussi créés dans notre pays, bien entendu. Pascal Griset, sur cet équilibre délicat. Alors, sur ce point, bon, il est vrai que l'équilibre est difficile à établir et que, comme le dit Antoine Petit, se couper des collaborations serait totalement suicidaire. Donc, ce sont dans ces flux que se trouve la progression du niveau de recherche. Et je dirais qu'historiquement, l'IRIA s'est créé en lien très fort avec les États-Unis. Les premiers chercheurs qui ont marqué l'histoire de l'IRIA, à commencer par Louis Pouzin, dont on parlait à propos de Cyclades, ont fait leur thèse aux États-Unis. Il y a eu des transferts de connaissances extrêmement importants. Donc, ce lien avec les États-Unis est quelque chose d'incontournable dans le domaine de l'informatique. Et puis, par ailleurs, on peut souligner l'apport de l'IRIA puis de l'INRIA dans des enjeux stratégiques pour la France dans la longue durée. On a évoqué l'aéronautique. Sans l'INRIA, le programme Ariane aurait évolué d'une manière assez différente. Il y a des liens extrêmement forts dans ce domaine et ce sont des liens de souveraineté d'une certaine manière. Ils m'ont coupé les bras et mis des pinces. Enlever mon cœur trop mince, je suis un robot. Ils m'ont donné le regard d'un autre œil pour voir plus loin que le ciel, je suis un robot. À chaque nuit quand on me laisse, je m'éteins mais il me reste des souvenirs en trop. Ils m'ont coupé les jambes et mis des pierres, de peur que je sois trop fier, je suis un robot. Et dans ma voix plus rien ne vibre, seul mon cœur est de fibre, je suis un robot. Et sous mon masque de fer, je sens passer un peu d'air. Sur ce qu'il me reste de peau. Mais je veux vivre, même en souffrir. Avoir une ombre derrière le dos. Je veux lui plaire, me mettre à terre. Sentir de l'eau sur ma peau. Sentir de l'eau sur ma peau. Ils ont effacé mon sourire, de peur que je puisse en rire, je suis un robot. Ils m'ont fait un visage de verre, mon âme est à découvert, je suis un robot. À chaque nuit quand on me laisse, je regarde le temps qu'il me reste. Planté comme un drapeau. Mais je veux vivre, même en souffrir. Avoir une ombre derrière le dos. Je veux lui plaire, me mettre à terre. Sentir de l'eau sur ma peau. sentir de l'eau sur ma peau. Le robot par Luc à 16h44 sur France Culture, où nous parlons aujourd'hui de l'INRIA à l'occasion de ses 50 ans avec Antoine Petit, PDG de l'INRIA, et Pascal Griset, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Alors peut-être on peut revenir sur l'avenir de l'INRIA au sens où on a parlé avec Antoine Petit avant cette émission du sigle lui-même et du sens de ce sigle, même si aujourd'hui semble-t-il le sens a disparu et a laissé la place à l'expression INRIA toute seule. Mais il y a à la fin de ce sigle deux lettres qui sont IA. Et donc ça donne à penser, Antoine Petit. Effectivement, on se demande si on ne va pas rechanger de nom et le redécliner en Institut National de Recherche en Intelligence Artificielle. Alors pour être un peu plus sérieux, l'intelligence artificielle, il faut être conscient que c'est un buzzword, c'est une buzz expression plutôt, puisque ce n'est pas un mot. Néanmoins, les réalités scientifiques qu'il y a derrière sont réelles. Ce sont déjà des sujets sur lesquels on travaillait il y a 10 ans et ce sont sans nul doute des sujets dans lesquels on travaillera encore dans 10 ans. Mais c'est vrai que ça forme aujourd'hui, comme la définition n'est pas très précise, c'est facile de le dire, ça forme aujourd'hui le cœur de l'activité d'INRIA, puisque derrière l'intelligence artificielle, on met aussi bien l'Internet des objets que les big data, que le traitement automatique de la langue, que la vision par ordinateur, que la modélisation de façon générale, la cybersécurité. Des sujets qui sont tout à fait le quotidien des équipes projet d'INRIA. Alors Pascal Griset, le nom n'est pas tout, mais enfin, il a quand même un rôle à jouer. Alors les expressions en informatique sont importantes, c'est-à-dire que dès les années 50-60, on commence à parler de cerveau artificiel, d'intelligence artificielle, c'est-à-dire le parallèle entre l'intelligence humaine et l'intelligence mécanique est établi, ou on tente du moins de l'établir dès les origines de l'informatique. Et il y a des cycles jusqu'à une époque très récente où le terme d'intelligence artificielle est à nouveau employé, y compris à l'INRIA. Il y a des débats conceptuels à l'INRIA au cours des différentes époques du passé, notamment par exemple sur la manière de construire un ordinateur. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y a des débats sur une intelligence extrêmement centralisée, une intelligence répartie. Donc il y a aussi des écoles, il y a parfois des églises dans le domaine de l'informatique et l'INRIA a été traversée par ce genre de débat. Et puis dans le terme intelligence artificielle, il y a toujours cette volonté de faire passer vers l'extérieur des choses que finalement beaucoup de gens ne peuvent pas réellement comprendre pour rendre perceptible ce que fait l'informatique. Alors, le débat sur l'intelligence artificielle, il faut quand même noter que pour la première fois, peut-être, il a été présent dans un débat autour de l'élection présidentielle au sujet de l'emploi et de l'impact de cette intelligence artificielle sur l'avenir de l'emploi. On n'avait jamais vraiment entendu parler même d'informatique dans ce genre de débat. Et là, d'un seul coup, l'IA a fait irruption. Et justement, l'INRIA a publié aussi un livre blanc sur cette question qui a servi de base à une initiative française dans ce domaine, Antoine Petit. Absolument. Il nous a semblé important d'apporter notre regard d'expert, ces relations vers la société que j'évoquais au début, non pas avec la prétention de prendre des décisions, les décisions doivent être prises par la société, par les décideurs, mais il nous semblait important d'apporter un regard un peu objectif et d'arrêter les fantasmes. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas des martiens qui vont débarquer demain avec l'idée qu'ils vont prendre le pouvoir sur nous. L'intelligence artificielle, elle est là. C'est bien pire, donc, parce qu'elle est là, on ne la voit pas forcément, mais alors en fait, que si, vous les la petits voyez... hommes verts seraient plus perceptibles. Oui, mais au contraire, vous la voyez et vous l'utilisez avec délectation tous les jours. Lorsque vous prenez votre voiture qui a un ABS, vous êtes content d'avoir de l'intelligence artificielle. Lorsque vous utilisez votre smartphone, c'est plein d'intelligence artificielle. Et lorsque vous prenez un avion, c'est plein d'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc, c'est simplement une présence de la machine qui est de plus en plus importante. Et de quoi sera fait l'avenir dans 50 ans, personne n'en sait rien. Donc il y a des gens qui sont des spécialistes des catastrophes, parce qu'évidemment ça fait plus parler que de dire que les petits hommes verts de l'intelligence artificielle vont prendre le pouvoir. Entre nous, pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de prendre le pouvoir, on ne sait pas très bien. Mais ça c'est un autre sujet. Je pense que simplement l'intelligence artificielle a déjà pris une part importante, c'est vrai, dans nos vies. Je fais partie des gens qui pensent qu'on n'en est qu'au balbutiement, donc elle va prendre une partie de plus en plus importante, mais je ne vois aucune raison pour être inquiet. Je crois que l'avenir, c'est la collaboration entre l'homme et la machine, comme on le fait depuis le début des temps. Simplement, on a des machines qui ne sont pas intelligentes. Ça, je crois qu'il faut tordre le cou à ce fantasme, qui sont des machines qui sont extrêmement spécialisées, ça c'est vrai, qui font très bien des tâches très précises. On s'est tous ébahis cet été sur la victoire au jeu de Go, mais la machine qui joue au jeu de Go, elle ne sait pas faire une omelette. Évidemment, vous allez me dire... Le champion de Go, on ne sait pas s'il peut faire une omelette lui-même. Vous avez raison, ça on ne sait pas non plus. Mais ce que je veux dire par cet exemple un peu caricatural, c'est que nous, êtres humains, en fait, on est extrêmement généralistes. C'est-à-dire, on fait des tas de tâches qui sont totalement différentes les unes des autres. Et aujourd'hui, on est mais très très loin d'une intelligence artificielle, pour reprendre cette expression, qui soit un tant soit peu généraliste. Et donc, encore une fois, ce fantasme n'a pas beaucoup de sens. Pascal Griset, c'est peut-être quand même la première fois que l'on s'interroge à ce point sur une technologie. Jusqu'à présent, l'informatique ne faisait pas débat de société. L'intelligence artificielle semble promettre d'en devenir un. Oui et non, parce que si vous regardez dans les années 1950-60, la crainte du super cerveau centralisé qui contrôlerait toute la planète était bien présente. Alors plutôt dans la littérature de science-fiction, dans certains cercles de débat, etc. Le Time à l'époque prévoyait qu'en 2000, tout le monde serait désœuvré et aurait un gros problème d'occupation du temps libre. Voilà, et puis c'était vraiment cette peur qu'on voyait, je crois que dans le film... Mars, planète interdite, d'un robot, d'un ordinateur qui centralisait tout. Et puis est apparu le microprocesseur et l'ordinateur personnel. Il ne faut pas oublier que les pionniers de la Silicon Valley, les Bill Gates, Steve Jobs et beaucoup d'autres, dont on parle moins parce qu'ils n'ont pas réussi si bien qu'eux, leur principale ambition était d'offrir l'informatique à tout le monde. Quelqu'un comme Engelbart, qui est l'inventeur de la souris, parlait déjà dès les années 1960 d'intelligence augmentée pour l'homme. Donc il y a dans les années 60, autour de mai 68, autour de tous ces mouvements, une volonté d'appropriation populaire et collective de l'informatique, qui, je dirais, apaise les craintes qui existaient autour du nucléaire aussi dans les années 50 et 60. Et puis, avec l'évolution des réseaux, et à l'heure actuelle, par exemple, de l'Internet des objets, où les objets peuvent apparemment communiquer entre eux, il y a de nouvelles craintes qui apparaissent parce que la perception, je dirais, directe de ce qui est fait devient de plus en plus difficile. Antoine Petit. Je crois que à la fois, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, elle pose des vrais problèmes de société qu'il faut que nous ayons le courage de traiter, parce que ce sont des problèmes de société qui font appel aussi à notre histoire, à notre culture, et pour lesquels les réponses ne seront pas nécessairement les mêmes en Europe qu'en États-Unis ou encore en Asie. Prenons un exemple très simple. Vous savez aujourd'hui qu'on sait faire entendre des gens qui n'avaient jamais entendu, on leur met des implants cochléaires. Demain, on saura faire voir des gens qui n'ont jamais vu. Alors quand je dis demain, c'est probablement dans 10, 20, 30, 40 ans. Et donc, tout le monde trouve formidable qu'on soit capable de réparer les gens. Quelle est la limite, la bonne limite entre l'homme réparé et l'homme augmenté? C'est un vrai sujet de société. Et donc, à la fois, la crainte d'une intelligence artificielle qui arriverait pour prendre le pouvoir me semble absurde. Par contre, il faut être conscient que cette augmentation de la puissance des machines va poser des questions de société qu'il faut savoir traiter. Et ça rejoint la question de l'éducation qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, pour avoir un avis pertinent sur ces questions, qui sont des questions qui ne sont pas binaires, la réponse n'est pas oui, non. L'homme réparé versus l'homme augmenté, la réponse n'est pas simple. Mais il faut avoir un minimum d'éducation. Et c'est aussi pour ça qu'il est essentiel qu'on puisse enseigner ces notions à tout le monde, parce qu'on voit bien que ça concerne non pas les spécialistes, mais absolument tout le monde. Est-ce que l'INRIA va être conduit à évoluer dans ce nouveau contexte de débat de société? Est-ce que vous considérez que cela vous concerne directement en tant que centre de recherche? Je pense que ça fait partie de nos missions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une pandémie, on va voir l'INSERM, et on lui demande son avis d'expert. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que dans le domaine de l'informatique, même si tout le monde a un ordinateur portable, il y a des questions qui se posent d'expertise. Je vais prendre un exemple, la polémique de l'an dernier sur les titres électronisés d'identité et la solution qui a été mise en œuvre. La question était totalement légitime, évidemment, par définition de l'État, qui était comment on fait pour protéger les titres d'identité. Mais on a fait une note à ce sujet, on a démontré que la solution qui avait été apportée n'était pas bonne d'un point de vue technique, et c'est tout. Et donc nous, c'est notre rôle d'expert de dire, voilà, il y a derrière tout ça de la science, voilà l'expertise scientifique, et encore une fois, c'est pas à nous de prendre des décisions, mais par contre, il faut que les gens comprennent que ce sont des problèmes difficiles sur lesquels ils ont besoin d'avoir un éclairage scientifique, et c'est aussi le rôle d'INRIA de l'apporter. Pascal Griset. Oui, ce lien, par exemple, souligné par Antoine Petit, entre la santé, l'évolution de notre corps et le numérique, est quelque chose de clé qu'on ne voit pas beaucoup. Mais toute notre capacité à soigner, liée à la génétique, à l'imagerie médicale et à d'autres choses encore, est totalement liée à l'ordinateur et au numérique. Cela n'existerait pas sans cela. On peut rappeler également la question de la relation homme-machine. Ce qui me fascine dans certains films de science-fiction, c'est qu'avec des machines extraordinairement performante, les gens interagissent toujours avec des claviers. Donc, on a beaucoup de mal à imaginer. Comment savoir l'usage de mains De mains. Mais l'interface directe entre l'être vivant, l'homme, et ces systèmes électroniques est quelque chose qui existe de nos jours. C'est quelque chose qui, à mon sens, va être un des moteurs de cette révolution des usages de l'informatique. La commande par la pensée, Antoine Petit, c'est déjà au point. Alors, si vous allez voir sur le web, vous pouvez voir des photos où effectivement quelqu'un peut commander un drone, mais ça reste assez anecdotique. On en est à des choses beaucoup plus pratiques. C'est aujourd'hui, si vous prenez n'importe lequel de votre smartphone, si vous regardez l'assistant personnel, ça marche quand même moyennement, on va dire. C'est-à-dire que dès que vous posez une question un peu trop compliquée, la réponse peut être un peu folklorique. Et donc, c'est aussi des éléments qu'il faut. Les gens nous demandent souvent, mais alors c'est quoi la révolution de demain ? Mais en fait, il ne va pas y avoir vraiment de révolution de demain. Simplement, on fera mieux demain ce qu'on fait déjà un peu aujourd'hui. Et donc, il est probable que dans quelques années, vous pourrez avoir des vrais échanges, si je peux dire, avec votre smartphone, où vous poserez plus exactement des questions en langue naturelle et il les comprendra, en tout cas pour les questions un petit peu de base. Ce qui est intéressant. Ou parler dans une langue et être traduit dans une autre, ce qui est un des grands fantasmes. Il y a déjà quelques produits commerciaux qui font ça pour des dialogues assez simples entre des enfants. On est quand même assez loin des échanges un peu élaborés. Mais oui, c'est des technologies sur lesquelles on va progresser et ça permettra d'avoir des dialogues de plus en plus riches, que ce soit une machine ou avec quelqu'un d'une autre langue. Pascal Griset, pour terminer, est-ce que ça n'est pas justement cette diffusion au plus proche des utilisateurs, c'est-à-dire sur eux-mêmes avec les téléphones mobiles, qui fait que certains questionnements arrivent en matière de société, de centralisation des informations, de possession des informations personnelles, etc. Enfin, la liste est longue. Oui, il y a cette proximité et puis il y a cette intensification des usages. C'est-à-dire qu'à travers le web, chacun est amené à utiliser des systèmes où on lui demande des codes, on demande à le reconnaître. Et il y a dans ce lien des inquiétudes qui peuvent être liées à cette crainte d'être dépossédé de quelque chose. Et vous avez raison, cette proximité induit une crainte d'être dépossédé d'une certaine manière. Et cela implique des disciplines, cela implique des choses nouvelles et des innovations qui devraient d'ailleurs entraîner une meilleure coopération entre les sciences au sens large, la science informatique et les sciences humaines et sociales. Merci beaucoup à nos deux invités, Antoine Petit et Pascal Griset, d'avoir participé à cette émission. Et merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lauzen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Mathieu Lefrançois, Hugues Bartholoméi, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la technique, Pierrick Monsigny, Elisabeth Miro à la réalisation, bien entendu, Pierrick Monsigny à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. Rendez-vous demain dans La Méthode Scientifique où nous parlerons de pavage numérique, de robots martiens et de mesures de la conscience, sans oublier le journal des sciences de Zoé Sfez.